Je m'abandonne, ce qui m'est dit, je le crois, et je prends ce qui me donne la couronne avec la croix. Quand on s'en est suivi de